mal pauvre, on met la concurrence à terre. L-I-E-R-M-O, frère. Franchement, est-ce que t'as cru que je perdrais la guerre? L-I-E-R-M-O, frère. Toujours dans ta sono, toujours dans les affaires. L-I-E-R-M-O, frère. Et n'oublie pas que face à moi, il n'y a toujours rien à faire. En 09, 2, double 09, hier moumou le maillot, je fais pas dans l'occasion, moi je fais toujours du neuf, ça vient du 53 et non pas du 49. Profite de l'occasion pour rappeler les keufs, ça signe à verbal, sur le beat moi je fais mal, je sais que je te bluffe, je sais que je te blesse quand toutes les rimes pleuvent. Ça commence par une averse, puis mon feu devient un fleuve. Hier moi j'ai fait peau neuve, mais au fond j'ai rien changé, que je sois en groupe ou bien tout seul, je continue à déranger, continue à engranger les bons points à leur danger, en live de mon. Le stylo je l'ai usé, t'as vu le style il est osé, la baraka elle est dosée. Trop de jaloux c'est abusé, devant tout ça je suis médusé. Moi mon feu c'est la fusée, c'est le renard le plus rusé. Le caractère de Cantona, le vainqueur du championnat. Bra L-I-E-R-M-O, frère. C'est reparti, deuxième album, on met la concurrence à terre. L-I-E-R-M-O, frère. Et franchement est-ce que t'as cru que je perdrais la guerre? L-I-E-R-M-O, frère. Toujours dans ta sono, toujours dans les affaires. L-I-E-R-M-O, frère. N'oublie pas que face à moi, il n'y a toujours rien à faire. C'est Yermo dans tes enceintes, cousin. Dis-toi que c'est pas la fin. J'débarque dans le rap sans crainte. Tu peux pas t'aider, j'ai rien trop faim. Casso 53, c'est ma clique. Astasième préunie sur le beat. Ta fleur de mots, deuxième solo. Tu peux pas t'aider, cabronito. Quand t'entends une instru, c'est que je suis dans les parages. Tout le monde dit que ça tue, et que ça n'est pas la rage. Et mets-toi à la bonne page, quand j'écris c'est à la rage. Quand j'ai les nerfs, je me lâche, je ne leur rends pas tout des faux plats. Tu peux toujours m'insulter, car je m'en bats avec des marronneurs. Je serai toujours là pour lutter, moi au moins je fais honneur. C'est pas la peine de te vanter, car pour moi tu es trop naze. Je continue à avancer parmi ces connards et connasses. L-I-E-R-M-O, frère. C'est reparti, que c'est ma bombe, on met la concurrence à terre. L-I-E-R-M-O, frère. Et franchement, est-ce que t'as cru que je perdrais la guerre?